Yushka, Tuki, Adrien, Funeli, Ika et Madi. Faucon Millennial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Andor et de Platine, l'émission dans laquelle nous revenons sur les épisodes de la série Andor. Je suis Grushkov et je serai accompagné aujourd'hui de mes fidèles camarades rebelles, Adrien. Dab, voilà, vocalement. Putain. Adrien n'est malheureusement plus des nôtres maintenant. Ika. Salut. Et Madi. Bonsoir. Comment ça va, mes petits bébés? Là, vous avez passé trois bonnes semaines depuis la dernière fois. Bah ouais, à part que Maddy, elle a dit bonsoir, donc elle a niqué le truc pour les gens qui écoutent ça le matin. Ouais, mais elle fait ça à chaque fois. Non, la dernière fois, c'était moi. Ah. bah voilà, hein. Du coup, on va revenir cette semaine sur les épisodes 4 à 6 de la série Andor, écrit par Dan Gilroy et... Putain, j'ai du mal. Écrit par Dan Gilroy... merde. On s'en fout, allez, let's go, je continue. Et réalisé par Susanna White. Comme la dernière fois, on va faire un tour rapide de tout le monde sans spoilers. Et je vais commencer du coup par Adrien, parce que tu n'étais pas là la dernière fois. Oui. Qu'as-tu pensé en de manière très brève de cet épisode-là, sans spoiler, de ces épisodes-là, sans spoiler, mon petit chéri. Ouais, alors c'est pas évident parce que j'ai regardé quasiment tous les épisodes d'un coup parce que j'avais beaucoup de retard, mais les trois derniers épisodes, donc les épisodes 4, 5, 6, je les ai trouvés vraiment, vraiment bien. C'est dans la même veine des trois premiers, même si ça pousse le délire un peu plus loin. Et là, c'est assez drôle parce que j'ai l'impression qu'on rentre vraiment dans Star Wars, là où juste avant, on était dans l'univers, mais il n'y avait pas encore ce côté... qu'on connaît déjà. Là, on est dedans, on reconnaît tout, hein, on sait ce que c'est. Et c'est super, les personnages sont géniaux et vraiment, c'est bien réalisé, c'est très beau toujours. La couleur est top et la lumière aussi. Et voilà, je mourrais pour chacun des personnages s'il le fallait. Bah écoute, je t'y invite cordialement. Ah bah yes. Quelle horreur. Merci beaucoup, Ika, à toi. Qu'est-ce que tu en as pensé? Eh ben j'ai adoré ces trois épisodes. J'avais beaucoup aimé finalement les trois premiers parce que j'en attendais rien. Là maintenant j'en attendais quelque chose. Et en fait le fait que ça marche par arc, je trouve que c'est une trop bonne idée. Les reviews c'est parfait. Pour les reviews c'est parfait. Et ça permet en plus d'apprécier des courtes histoires en fait qui ont un lien entre elles. Hein, mais là on a eu une histoire en trois épisodes. On a une histoire qui est complètement séparée des trois premiers épisodes quelque part. Enfin presque complètement séparée. Et je trouve ça trop bien. Donc j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Super. Et toi, Madi? Comme Ika et Adrien, j'ai beaucoup apprécié. Je pense même que j'ai davantage apprécié que le premier arc. Enfin, peut-être parce que je trouvais que le premier arc était long, vraiment à se mettre en place. Mais oui, vraiment, je suis assez sidéré parce que, enfin, j'ai beaucoup aimé Boba Fett, mais je trouve que c'était quand même de meilleure qualité en Andor. Ouais, pareil, les personnages, ils sont super attachants, les visuels sont super sympas. J'aime bien la musique aussi, surtout dans un passage en particulier des derniers épisodes. Ouais, voilà. Vraiment, j'ai hâte de voir la suite. Et je trouve que c'est sympa, ouais, qu'ils fassent des arcs comme ça. Ça. Je sais pas comment expliquer, mais je pense qu'ils devraient faire ça davantage avec le reste des séries. Ouais. Non, j'irai pas jusqu'à dire ça parce que justement, ça permet aussi d'avoir, oui, d'avoir sa propre identité. Oui, c'est vrai. Ouais, et puis c'est un traitement différent à l'écriture, en fait. Ouais, je pense que justement, ce qui fait la force de ce show-là, c'est qu'il essaye de pas d'être comme les autres. Mm. Et que du coup, on devrait pas souhaiter qu'ils soient tous pareils comme celui-là, mais qu'ils soient tous vraiment ce que le créateur veut. Et ça se sent que c'est ça là, que il savait ce qu'il voulait faire et il l'a fait. Et du coup, je vais refaire un deuxième tour et je vais vous demander, comme la dernière fois, deux trucs que vous avez aimés dans cet arc-là et un truc que vous n'avez pas aimé. On peut commencer d'abord par un truc que vous avez pas aimé, comme ça c'est ça passe et puis on peut passer au positif plus vite. Mais voilà, Adrien. Deux trucs que tu as aimé et un que tu n'as pas aimé. Tu peux commencer par celui que tu préfères. Alors, en spoiler ou pas, du coup? Total spoiler. Oui, pardon. Total attention. Spoiler. Cette fois-ci, on rentre dans la zone spoilers. Bip, bip, bip, bip, bip. Cassez-vous. Si vous n'avez pas regardé les épisodes. Ou restez si vous vous en fichez et que vous voulez juste nous écouter. Vous écoutez nos bonnes voix suaves. Là. Vous voulez, c'est ça que vous voulez écouter. Hein. Une bande de cochons. Bref. Qu'est-ce que je viens d'écouter, là? Je suis pas sûr de ressentir indemne de cette soirée. Elle m'a dit à le Covid et ça, c'est le pire truc de sa soirée, je pense. Ouais. Non, on l'entend plus, hein. Franchement, je préfère retourner me coucher, là. Ok, vas-y, mon petit Adrien. Je vais commencer. T'as eu une bonne idée, Grush, par la chose un peu négative. Forcément, ce que j'ai pas trop aimé, c'était pour le coup, gros spoiler, hein, la mort de Nemik et le fait que ils ont eu l'occasion encore une fois de mettre un personnage handicapé. Je pensais vraiment qu'il allait survivre à la fin de l'épisode 6 et au final non, il meurt un peu bêtement dans les bras du docteur qui est d'ailleurs vachement stylé. J'ai l'impression qu'on l'avait déjà vu ailleurs, le docteur. Oui, en plus. Il ressemble, l'acteur on dirait un mélange entre Oshi et Maz. C'est ça, ouais, moi c'est je pensais vrai. Que c'était l'espèce ouais, Maz avant de voir ce nombre de bras d'ailleurs. Et l'acteur a joué beaucoup dans je crois qu'il a joué dans tous les Star Wars. Il joue beaucoup de créatures justement ouais. Sous des masques et tout ça, c'est un acteur stuntman. Non, mais spécifiquement ce personnage là, j'avais l'impression de l'avoir déjà vu. Mais moi aussi, mais effectivement, je pense que c'est un peu un mélange de différents trucs, mais il me disait un truc aussi. Et du coup, ouais, je disais juste que ouais, je trouve ça un peu dommage de pas profiter du fait que Nemik sans plus ses jambes pour en faire un personnage handicapé qui survive parce que pour l'instant les peu de personnages réellement handicapés en tant que tel dans l'univers ou qui deviennent handicapés font jamais très long feu, hein. Je pense notamment à Tirut ou à Kanan, paix à leur âme, on les aime et du coup voilà dans Squadrons il y a un personnage handicapé qui survit. C'est vrai Squadrons, c'est tellement rare que je m'en souviens, tu vois. Squadrons, les personnages sont très cool et la diversité est très bien. Dommage que le jeu soit pas terrible parce que vraiment des personnages, mais quel trou de balle celui-là. Ah désolé, c'est vrai, le gameplay on se fait chier dans Squadrons, mais bref, c'est non, pas moi j'ai tout le temps envie d'y jouer avec mes amis. Le problème c'est que tous mes amis sont des trous de balle. Moi j'ai envie d'y jouer, mais vous jouiez à l'époque sans moi. Ah mais bah attendez, on pourrait se refaire des allez, soirées. On refait ça. Attention, le retour de Faucon y joue là. Allez, moi, en vrai je serais chaud pour jouer avec vous, j'avoue. Mais non mais il est sérieux lui. Ah putain, pour aller faire Nelson Maestrong. J'aime pas, mais voilà. Moi j'aime pas, mais dire de la merde de micro, ça me fait marrer, donc. Ok, très bien. Bref. Et tout ça pour dire. Donc voilà, ce que je trouve un peu dommage, c'était ça. Par contre, deux éléments bons où j'ai adoré. Je pense que je pourrais t'en trouver beaucoup plus que deux. Mais oui, mais c'est pour ça que j'ai limité. Ouais, les personnages sont vraiment bien. Je trouve qu'ils sont tous vraiment bien gérés et ils ont tous une dualité. Je pense que voilà, comme nous tous ici, je suis tombé sous le charme de Nemik. En plus, l'acteur, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne peux que vous conseiller The End of the Fucking World, qui était vraiment un des top shows sur Netflix à mon sens. Putain de bonne série. Ouais, vraiment. Et un autre truc que j'ai particulièrement aimé, c'est compliqué. Ouais, Grushkov déjà, c'était vachement bien. Non, mais en vrai, c'est dur. Allez, je vais essayer d'en prendre un. Je vais dire toute la vie qu'on voyait en fait. C'est con, mais les dialogues sont, je trouve, très bien écrits. Et par les dialogues, mais aussi parce qu'on voit, la vie dans Star Wars. Et vous savez que je suis un très grand friand de ça, j'en parle tout le temps, partout. Mais pour montrer qu'un univers existe, il faut montrer que la vie existe dans cet univers et qu'on n'est pas forcément à suivre des héros qui font des trucs de héros H24. Et je trouve qu'on le voyait assez, ça, ne serait-ce qu'avec les pèlerins à la fin de l'épisode 6. C'était vachement bien. Ou même sur tout le délire sur Coruscant avec, donc Mon Mothma. Voilà, voilà. D'ailleurs, grosse pensée à toi, hein, évidemment, parce que tout tourne autour d'un barrage, et un barrage, ça sert à quoi ? À retenir de l'eau. L'eau dans Star Wars, encore un truc important. Et écoute, je pense qu'on pourra en parler dans notre deuxième épisode sur l'eau dans Star Wars. L'eau dans les séries Star Wars. Il y aurait des choses à dire. Voilà, j'annonce. Alors, d'ailleurs, pour le coup, on reviendra pas là-dessus, donc je le dis maintenant, mais je pensais vraiment qu'ils allaient faire péter le barrage. Ouais, moi aussi. Merci beaucoup, Adrien. Ika, à toi. Un truc que tu n'as pas aimé et deux trucs que tu as aimé. Je vais pas commencer par les choses que j'ai aimées, parce que je vais pas avoir grand chose à dire sur ce que je n'ai pas aimé. Mais dans ce que j'ai aimé, déjà, c'est le cast. Ma vie pour le Sen et Némique, hein, bien sûr, mais en fait, tout le groupe de rebelles. Et même, spoiler alert forcément, mais même Skin, qui est un gros traître au dernier moment, hein, et qui. Et d'ailleurs, c'est intéressant que ça se passe comme ça à la fin. Mais même lui, j'ai fini par l'apprécier, alors qu'au début, c'est quand même un petit peu le connard de l'équipe. Et gros le cast, les personnages sont attachants, les mecs jouent bien, les meufs jouent bien, tout le monde est grave cool dans son rôle, mais surtout franchement, je sais pas se dire son nom, c'est Stellan Skarsgård, un truc comme ça. Ouais. Celui qui joue Lucen, je kiffe, hein, mais franchement j'adore son personnage, je suis vraiment à fond. Je pensais que ça serait mon Mothma, là, pour moi la goat de la série, mais en fait c'est lui pour moi maintenant. Et deuxième truc que j'ai bien aimé, c'est alors ça tourne autour du personnage anémique, mais c'est l'aspect politique qu'il amène sur son manifeste et ce qu'il écrit, et en fait la façon dont il essaye de théoriser la rébellion. J'ai trouvé ça super cool, parce qu'en fait ce manifeste, j'imagine qu'il va avoir de l'importance plus tard, qu'il va avoir de l'importance dans la création de la rébellion. Et ça ancre politiquement dans le dur Star Wars, finalement. Et ça, j'ai trouvé ça chouette, quoi. Le mec, il a écrit un manifeste. Je crois pas qu'on en ait jamais entendu parler dans Star Wars, ça. Et en fait, j'ai aimé cet aspect-là du personnage. Le personnage, dans sa globalité, il est trop cool. Mais cette partie-là où il écrit un manifeste, il écrit des choses sur les autres personnes de l'équipe, il théorise sur la rébellion. Bah, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment cool et nouveau dans Star Wars. Et j'ai trouvé ça chouette, quoi. Et par contre, dans les choses que j'ai pas aimées, assez peu finalement sur ces trois épisodes-là, j'ai pas de critique spécifique. J'espérais voir plus l'œil. On l'a beaucoup vu, mais pas assez à mon goût. Mais c'est pas non plus une critique, quoi, parce que c'était beau comme on s'attendait à ce que ça le soit. J'ai pas été déçu par quelque chose dans ces trois épisodes. J'ai pas trouvé ça long. J'ai pas trouvé ça mal écrit. J'ai vraiment rien à redire de ce côté-là, quoi. Très bien, merci beaucoup, petite bouille. Et toi, Maddy, on y va, c'est parti. Deux choses que tu as aimées, une chose que tu n'as pas aimée. Deux choses que j'ai aimées, l'équipe, déjà, les personnages, je les ai trouvés vraiment super attachants. J'avais bien aimé Rogue One, moi, et je trouvais que ce qui faisait la force du film, c'était ses personnages. Et c'est pour ça que quand je les ai vus, je me suis dit « Ah bah, chouette, ils arrivent à refaire une bonne équipe. » Et du coup, ça a aussi amené à la chose que je n'ai pas aimée, je vais dire après. Voilà, l'équipe, j'aime beaucoup. Vraiment, je les trouve tous parfaits, juste... et pareil, Némique, c'était mon préféré, du coup. Et je trouve ça chouette que c'est pas, enfin, je sais pas vous, mais pour moi, c'est le plus jeune de l'équipe, du coup. Ouais, il avait l'air, hein. Je trouve ça chouette que ce soit vraiment l'idéaliste de l'équipe. En fait, c'est un peu Adrien, il est complètement à côté de ses pompes, hyper idéaliste, et tout le monde l'aime. Mais vous savez à qui il m'a fait penser, moi, au personnage dans Matrix 1. Ah oui, c'est vrai. Le plus jeune, là. C'est vrai. Voilà, c'est tout. Si tu peux continuer, Maddy. J'ai beaucoup aimé notre couple de lesbiennes aussi. Même si, on va pas reparler de la manière dont on représente les relations queer dans Star Wars. Mais si, on va en reparler, justement. On va en reparler? Ah bah, tant mieux. donc du coup, la deuxième chose que j'ai aimé, de manière générale, j'aime bien tous les petits détails qu'il y avait dans la création du lore de... C'est Aldani, c'est ça, la planète. Ouais. Bon, déjà, quand Cassian et Lucène y arrivent, j'étais en mode, oh putain, c'est l'Écosse, ça. C'est complètement ça. Et t'as les moutons, t'as toute l'ambiance poisseuse, vraiment, j'ai trouvé ça chouette. Et j'aime bien après ce qu'ils ont ajouté avec les natifs, du coup. Ça m'a rappelé les... c'est quoi le nom de ce peuple-là? C'est un peuple scandinave. C'est ceux qu'ils ont utilisé, dont ils sont inspirés dans La Reine des Neiges. Aussi. Je me rappelle plus, je crois que c'est les Suomi ou un truc comme ça. J'ai trouvé vraiment ça chouette, la scène de l'œil. Pareil, j'aurais bien aimé qu'on ait un moment un peu plus arrêté dessus. Même si j'ai trouvé ça super beau et la musique, j'ai trouvé vraiment chouette à ce moment, enfin vraiment incroyable à ce moment. Je trouvais que, on n'avait pas de musique comme ça dans les séries pour l'instant. Enfin, il y en a aucune qui m'a marqué autant que, à part le thème du Mando. Et ce que j'ai pas aimé, c'est évidemment le syndrome Rogue One, tout le monde qui meurt à la fin, quasiment tout le monde qui meurt à la fin. Ça, je pense qu'il l'avait pas fait pendant le premier arc. C'est ça qui est rigolo, c'est que pendant le premier arc, il a pas tué tout le monde, il a juste tué le connard. Mais les autres ont survécu. Alors tu penserais qu'il trouverait un moyen de ne pas tuer tant de monde que ça par la suite non plus, mais ça rattrape. Oui, voilà, il rentre dans le dur là, quoi. Non, mais là, c'est pas des gens avec lesquels il avait un aussi gros attachement que qu'il pouvait avoir avec ceux du premier épisode, des premiers épisodes. Ok, alors j'ajouterais juste au final que personne n'en est. Oh pardon. J'ai adoré qu'il s'appelle Clem, hein, bien sûr. Et par contre, j'ai détesté qu'il ait plus de barbe. fallait le dire quand même. Give the sa barbe, back. Remettez-la, quoi. Ouais, non, c'est pas possible. Mais il est trop mignon. Ouais, il est beau, pareil. Petit. Hein. Non, il est plus mignon avec sa barbe. Clairement mieux avec sa barbe. Il est mieux avec sa barbe, mais là, il faisait pipou. Oui, il fait bébé. Non, là, il a l'air tout fatigué. Il a l'air fatigué. Bah, ouais. Tu crois qu'il est pas... C'est pas le mot que j'aurais utilisé. Oui, mais... il a l'air malade un petit peu, donc... Moi, je comprends pas que personne n'en a parlé, mais moi, j'ai adoré quand il s'appelle déjà, putain, l'impérial. Pas l'impérial, le garde de sécurité qui s'est fait virer. Enfin, bref, quand il retourne. Moi, je le connais que sous le nom Baby Girl parce que c'est comme ça que les gens l'appellent sur Internet. Ah, mais c'est Cyril Karn, le personnage. Oui, Cyril. Quand Cyril, c'est une grosse serpillière là, il se fait claquer par sa mère. Après, il mange ses céréales avec son lait pour que sa mère elle se fout de sa gueule parce qu'il trouve pas de boulot. Oh, c'est trop bien de voir des petites merdes souffrir. Ah, ça fait cliché d'incel en plus, c'est incroyable. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas direct. Parce qu'il n'est pas dans le dernier épisode, il apparaît pas. Carrément. Ouais. Alors, il se passe pas grand chose, mais tout ce qui se passe est vraiment on point. C'est vraiment incroyable. Avec son truc. Pour un truc que j'ai pas aimé, mais c'est fait exprès. Mais oh la vache, le mari de Mon Mothma. Il est horrible. Ah ouais. Oh la pire merde. On peut plus rien dire. Attends, il est insupportable. Il fait des trucs dans son dos, il invite des gens horribles à table chez eux, alors qu'elle est en conflit avec eux politiquement et tout. Le mec ultra toxique. Mais il le dit littéralement, on peut plus rien dire. Il inclut sa fille dans le débat comme un gros bâtard. Ouais, non, mais vraiment, immense connard, quoi. Tu vois, je la préférais quand elle était lesbienne, Motma. Oui. Je pense qu'elle aussi, elle va préférer quand elle est lesbienne. Ouais, je pense aussi. Ah, vraiment, incroyable. Je sais pas qui c'est le gars qui le joue, mais il est parfait. Vraiment, le mec, il a le man bun et tout. Vraiment incroyable. Hein. Y a un autre truc que j'ai aimé. Bah, je pense qu'il a touché nos cœurs à tous. Hein. C'est Némik, évidemment. Pour le coup, j'étais pas étonné qu'il meure parce que c'est justement le plus idéaliste. Je pense que la façon dont il meurt fait que ça a donné trop d'espoir à Adrien, et ça c'était une grosse erreur. Je pense qu'il aurait dû mourir pas après avoir un truc qui le rendait handicapé, tu vois. Mmh. Et ça, je pense que c'est ça l'erreur. Même si oui, de la représentation handicap, d'ailleurs il y a pas longtemps il y a une série Netflix qui est sortie, il y avait dans le cast principal une actrice handicapée qui jouait un personnage handicapé et tout, et je me suis rendu compte, c'est vrai qu'il y en a vraiment pas beaucoup, quoi. C'est ouf. Moi, l'exemple que j'ai, c'est dans les deux saisons de comment ça s'appelle, j'adore cette série, j'ai un trou, c'est oh bah ça arrive, c'est ouais, c'est ça, Only Murders in the Building. Ah, c'est trop bien. Ouais. Et donc, dedans il y a justement un acteur sourd et une actrice paraplégique, je crois, qui est en fauteuil roulant. Et à chaque fois que ça arrive, t'es genre waouh, c'est bien d'en voir, mais en fait c'est parce que on est tellement pas habitué à en voir qu'à chaque fois c'est un événement pareil. On est tous en émoi sur le fait que deux femmes se sont touchées la main en se faisant des regards compréhensifs. Ouais. C'est dire le c'est le triste peu presque, en fait. Ah bah, qu'on nous donne. Et d'ailleurs voilà, on va transitionner tout de suite là-dessus. C'est vrai que l'état de la représentation dans Star Wars, il est quand même assez bas. Et d'ailleurs, c'est pas que Star Wars. Non, hein. c'est les gros trucs mainstream en général. C'est que ce soit le même au niveau des couleurs de peau. Je veux dire, quand les gens parlent de représentation, les trois quarts du temps c'est du point de vue américain. Donc ce dont ils parlent, c'est noir et latinx. C'est encore dur à notre époque d'avoir la représentation arabe, par exemple, et plein d'autres qui sont vraiment sous-représentés. Ouais. Beaucoup de représentations asiatiques qui manquent un peu partout. Cette fois-ci, il y avait un impérial, mais voilà. J'ai remarqué une personne asiatique, mais qu'est-ce qu'il était ? Il était un impérial, donc super. Merci pour la représentation. Ouais, non, il nous faut de la bonne représentation, quoi. Pareil, c'est... là, sur les gens qui meurent, heureusement que Némik meurt aussi, parce que sinon, tous ceux qui se faisaient tuer par l'Empire, c'était les personnes de couleur. C'était les deux mecs noirs. Parce que c'est ça aussi, quand tu donnes plus de représentation, faut aussi faire gaffe un peu à comment tu fais, parce que ça peut être un piège, hein. Il meurt, le représentation pour la représentation, bah j'ai pas trop compris, d'ailleurs ça c'est un point négatif, ouais, je suis pas sûr, c'est que j'ai pas compris du tout, parce que je l'ai pas vu mourir, mais on l'a plus jamais revu à partir d'un certain point dans l'épisode. En fait, il s'en va, les lumières s'éteignent, mais on suppose qu'il est en train de s'enfuir. Ah non, non, non, il se fait tirer dessus. Oui, oui, il arrive avec les autres, il se fait tirer dessus. Oui. Ah non, il meurt. Bah effectivement. Ouais. Du coup, vraiment, et c'est là que tu vois à quel point on est bas, c'est que on est heureux que des lesbiennes, sans que ce soit vraiment montré, ni quoi que ce soit, ne sont pas mortes. Pas encore. Incroyable. Elles sont pas elles mortes, mais elles sont séparées. Ouais, mais elles sont trop pour cases, en fait. Mais oh non, je pense qu'elle va sur. Oui, d'ailleurs, je pense un aussi, des gros oui points, des gros points positifs et négatifs, c'est qu'elle était là, mais qu'elle n'était pas assez là. C'est vrai. Ouais, elle était trop bien. Bref, ouais, on en est à un point où on n'a même pas le droit à un bisou. Et on est quand même heureux parce que on en est à ce point-là, quoi. C'est assez ouf. au niveau de la représentation. Adrien, il a des faux espoirs. C'est Mais les faux espoirs justifiés, parce qu'en fait, la façon dont c'est fait, il décide de faire un détour pour aller voir un médecin. Ouais, c'est ça. C'est terrible, en fait, parce que le scénario te dit, il va survivre. Ouais. Moi, quand j'ai vu, sincèrement, que... j'ai vu l'épisode le jour même, et en fait, je l'ai vu en mangeant, ma mère était à côté, et au moment où, justement, ils se disent, genre, ouais, il est vivant, il a besoin d'un médecin et tout, et tu sais, genre, je me suis exclamé à haute voix, oh, ils vont le faire survivre, genre, ça y est, tu vois, genre, il va survivre, tu vois, parce que souvent... on te fait même pas chier à, quand quelqu'un meurt en sacrifiant, ils se font même pas chier à essayer de l'emmener voir un médecin et tout. Et je me dis, ça y est, c'est bon, il va survivre, c'est sûr, tu vois. Et au final, deux scènes après, il meurt sans qu'on le voit, en plus, un peu abruptement. Et vraiment, je me suis senti, trahi. Et je sais que j'aurais pas dû, Moi, je trouve que c'est justifié quand même. Bah ouais, je trouve qu'ils ont vraiment fait ça de manière un peu abusée, quoi. C'est plus réaliste. En fait, le problème, c'est que déjà, on n'a pas assez de représentation, hein, comme on dit. Et en plus, les codes des séries, des films et tout sont tellement usés et abusés que quelqu'un va voir un médecin alors qu'il est mourant et tu crois qu'il va survivre parce que t'es persuadé qu'il va survivre parce que c'est comme ça que ça marche d'habitude. Ouais. Genre, c'est pas vraiment que c'est pas vraiment comme ça que ça marche en vrai. Ils ont clairement joué avec les codes pour nous faire espérer et sans même penser. Je pense que ils ont même pas pensé seconde au fait que c'était aussi un espoir de représentation. Tu vois. C'est exactement le problème avec le handicap et tout ça. Bah, Adrien, il est mieux placé que moi pour en parler, mais le plus gros problème, c'est que tu vas pas croiser tous les jours des gens qui te disent ouais, faut buter tous les handicapés. Par contre, des gens qui n'y pensent pas. Bien sûr, c'est ça le truc principal, c'est que c'est ignoré complètement. C'est personne n'y pense rien. Enfin, les n'existe pas. Quand quelqu'un pense à adapter des choses pour les personnes handicapées physiques ou mentales, c'est un événement parce que personne n'y pense sinon. Et voilà, Adrien, il le vit beaucoup plus que moi. Moi, j'ai presque rien et ça me fout déjà la merde. Mais on part de très loin. Et justement, dans Only Murders in the Building, dedans, il y a donc le personnage de... Enfin, je vais pas spoil, mais en gros, dedans, il y a un personnage sur qui parle et la personne qui est valide en face de lui, lui dit, mais putain, et tout, je pensais que vous arriviez beaucoup plus à lire sur les lèvres, parce que dans les films et tout, ça donne l'impression que c'est facile. Et en fait, la personne en face qui est sourde répond, ouais, mais dans les films, on n'existe pas, quoi. On nous demande pas notre avis dans les films, de toute façon. Il n'y a pas de représentation, tu vois. Et c'est ça, d'ailleurs, c'est qu'en fait, on n'est même pas pensé dans le processus artistique. C'est exactement en amont, ça, oui. En fait. Et quand bien même il y aurait des personnages handicapés, les trois quarts du temps, ils sont joués par des acteurs... 90% du temps, ils sont joués par des actrices valides. Donc, en fait, c'est un autre problème. Là, en l'occurrence, pour Némic, ça m'aurait pas dérangé parce que le personnage arrive dans la série en étant valide. Et ça aurait pu être intéressant de voir justement... Ils auraient pu avoir un body de bon. Hein, et prendre un acteur handicapé. Dans l'idéal, je suis d'accord. Dans l'idéal, je suis d'accord, clairement. Mais c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs dans comment ça s'appelle la série qui vient de sortir, la Midnight Club. Il y a des moments où il y a une actrice qui a qu'une seule jambe, mais pour certaines scènes, elle danse. Enfin, elle est danseuse professionnelle, tu vois. Et d'accord. Du coup, ils avaient un body double pour ces scènes-là, tu vois. C'est facile. C'est vraiment. Ils auraient pu lui couper les jambes pour de vrai. Ouais, c'est vrai, tu vois. Et puis comme ça, t'as vraiment une actrice qui met un peu du sien là. Non, je pensais à Némic, mais ouais. Mais sinon, ouais. Oui. non, mais. Ouais, t'as tellement... Il y avait ça aussi, quoi. C'est... Ouais, encore de la représentation, mais par quelqu'un qui est pas handicapé, ça aurait été aussi un peu un problème. Après, faudra voir ce que nous offre le scénario par la suite, mais il y a cette histoire de manifeste, j'en ai parlé un petit peu dans ce que j'ai aimé, mais je pense qu'il y a Némi qui laisse un héritage derrière lui, et je pense que le scénario avait besoin de sa mort en fait. Oui. Donc, on va le découvrir. J'en suis pas certain quand je dis ça, mais je pense que le scénario a besoin de sa mort. Mm-hmm. Bah, en fait, c'est ça, c'est que sa mort, narrativement parlant, ce que j'ai d'ailleurs dit sur le Discord du podcast, n'hésitez d'ailleurs pas à nous rejoindre si vous le souhaitez. Justement, j'ai dit, sa mort, en fait, elle a un sens, narrativement parlant. Maintenant, est-ce que ça valait le coup? Ça valait le coup parce qu'on sait très bien comment ça finit, la radicalisation de Cassian. Ouais, bien sûr. Littéralement, Némique, j'ai vu quelqu'un qui avait sorti une vidéo là-dessus, j'ai partagé le titre, mais j'ai pas regardé la vidéo, mais c'est Némique a sauvé la galaxie, mais c'est ouais. Vrai. C'est vrai, son idéalisme, par effet, par effet boule de neige, c'est ce qui va amener au fait que la galaxie est sauvée des années plus tard. Mais c'est ça qui rend ça encore plus tragique, c'est qu'il le verra jamais, quoi. Je savais que ça allait me mettre mal cette série, je le savais, les copains, je le savais. Merde. Ouais, tu l'avais dit en plus. Je l'avais dit, ouais. Je reviens un peu en arrière par rapport au sujet qu'on voulait aborder. Adrien et Ika surtout voulaient aborder, oui, le rapport entre les impériaux et les autochtones, qui est vraiment c'est un rapport de vraiment de colons à ouais. Ah bah comment il parle à coloniser de... en fait avec le dédain, le dégoût, c'est ça, les c'est trucs ça comme qui ça, intéressant. Le non-respect. C'est que dans Star Wars, habituellement, quand on voit l'Empire avec les autochtones, on les voit brutaux, on les voit mettre les gens en esclavage et tout ça. Là, c'est pas le cas. C'est beaucoup plus. Enfin, c'est beaucoup plus insidieux que ça, et c'est de la manipulation, c'est hautain, c'est empli de racisme et de clichés racistes, c'est empli de c'est ça, c'est des colons, quoi. Et on voit pas de violence physique à aucun moment. Mais c'est juste, des clichés, ouais, c'est des grands naïfs, les gens sur cette planète, suffit de faire ça et ça marche. Et c'est horrible parce qu'en plus, la série leur donne raison. Genre, le mec, il dit, pour réduire leur nombre chaque année, on met ça en place. Et ça marche, en fait. Ils étaient 15 000, maintenant ils sont plus que 60. Ça leur donne pas raison. C'est juste que c'est tellement brutal que ça marche. C'est ça, c'est exactement c'est ça. C'est comme dans la vraie vie. Je me suis mal exprimé, oui, effectivement. Je me sens conne d'avoir dit ça, ils mais ont non, ça raison, donne pas raison. Les racistes, après tout, bon. Est-ce qu'ils ont pas totalement raison quelque part? Après, ils leur apportent un peu la civilisation aussi, tu vois, mais. Non, mais en vrai, ça m'a fait vraiment tiquer pendant la série parce que, il y a les gros trucs pas subtils du genre, le bruit et les odeurs, il y a ni plus ni moins que ça à un moment donné dans le Discord de l'officier. Et, littéralement, ouais. Et le dédain pour les croyances et tout, mais aussi la manipulation de toute la population d'un coup en disant on a mis ça, on passe pour les gentils en disant on vous met des auberges en chemin, mais on sait très bien qu'ils vont pas le faire et que le chemin va être encore plus douloureux pour eux. Et ouais, ça transpire encore c'est plus. C'est comme foutre des numéros verts à chaque crise, tu sais très bien que ça va servir à rien, mais tu le fais parce que comme ça ça te donne bonne image. Ouais, voilà, t'as pas l'impression de. Ils ont pas l'impression qu'on fait rien, alors qu'on sait très bien, on voit très bien à travers ce que vous faites. On sait que vous êtes des sacs à merde et que vous en avez rien à faire. Mais l'action, ça, d'ailleurs, ils le savent, hein, le chef, le leader des autochtones, il déteste l'Empire. Quand ils parlent tous les deux pendant l'échange de peau, là, il lui dit des trucs du genre. J'espère qu'un jour vous vous rendrez compte à quel point vous êtes des grosses merdes. que l'officier à côté ne traduit pas exactement comme ça, tu vois, mais j'adore que l'autre qui regarde fait oh, il a pas traduit, dommage. Mais ouais. Moi, j'ai cru qu'ils allaient faire une rébellion au même moment, en fait, qu'il moi y avait aussi, le heist. Et je me suis dit que ça allait foutre la merde. Pas du tout. Ouais, j'ai cru qu'ils allaient tous mourir en faisant ça. Et c'est, en fait, c'est pour ça, c'est lié aussi au fait que je pensais qu'eux, ils allaient péter le barrage. Voilà. Si je dis pas tout aussi. Je pensais que eux, ils allaient faire péter le barrage d'une manière ou d'une autre et qu'ils allaient mourir en libérant les eaux de leur. Ouais, bah, j'y croyais aussi. Je pensais que la série allait nous raconter ça, la rébellion d'un peuple contre le joug impérial, et je pensais que ça allait être l'élément perturbateur dans le plan, ça serait eux. Et peut-être plus tard, hein, maintenant que les autres vont pas être payés pendant, pendant un cycle. ils vont peut-être en profiter, on sait pas. Moi, ça m'a surtout beaucoup rappelé la manière dont se comportait le gouvernement américain avec les natifs pendant le 19e, en mode « Oh non, mais on fait genre, on est gentil avec vous, tout ça, on vous donne des couvertures, mais bon, bah voilà, hein, on sait que... » Vraiment, ça m'a rappelé ça direct, hein. Tous les États colons ont fait des saloperies comme ça. Bah, j'ai pensé à celui-là. J'ai pensé aussi à la méthode, enfin, la manière dont de parler, enfin, tu vois, juger. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très empire britannique dans le. Oui, bah ouais. Bah, ça se passe littéralement en Écosse. Oui. Donc, ouais. Bah, clairement, ouais, aussi. Il y a des énormes parallèles. Hein. Je pense qu'aussi, le fait que ça soit en Écosse, il y a une volonté de rappeler. Pareil, la colonisation de l'Écosse. Juste au moment de la reine, moi je pense que c'est pas une coïncidence. Ils ont fait exprès, ils le savaient d'ailleurs. C'est eux qui l'ont tué en fait. C'est Danny Gilroy qui. Dans 3 semaines, on sort l'épisode là, let's go. C'est Danny Gilroy qui. L'animatronique, il était de chez Lucasfilm en fait, ils l'ont désactivé. Merci à Yalem. Hein. Ils ont pas compris au Palais Royal, mais qu'est-ce qui se passe en fait, c'était la promo d'Andor. vite fait, je voulais parler aussi d'un autre truc qui est dans l'épisode. On a parlé, vous avez parlé pas mal de l'équipe qui fait ça. C'est une équipe qui est très diverse, tant dans comment sont les personnes que dans leur background et la raison pour laquelle ils se battent. Et j'ai trouvé ça pas mal le twist de fin avec Skin qui veut se barrer avec tout le fric parce que ça prouve que et d'ailleurs ça m'a beaucoup rappelé la promo de Rogue One qui était pas dans le film mais où This is a rebellion isn't it I rebel et ça prouve à quel point c'était con cette phrase parce que oui n'importe qui peut se rebeller. N'importe qui peut le faire. Et d'ailleurs, on l'a vu plein de fois avec les gilets jaunes et tout ça. Le truc, c'est que n'importe qui ne peut pas être un rebelle. N'importe qui ne peut pas être quelqu'un qui veut un monde meilleur. Forcément. Se rebeller, c'est que la première étape. Et c'est pour ça que c'est logique que Cassian il s'en aille pour l'instant, parce qu'il a pas encore lu le manifeste de Nemik. Pour voir la lumière. Cela dit, il a mais peut-être pas vu la lumière, mais c'est très intéressant. Mais il a déjà franchi un pas. Il est quand même moral. Parce que entre son arrivée sur la planète où il est vraiment purement un mercenaire et quand il repart, même s'il repart de son côté avec le manifeste, il a buté Skin au passage. Et ça, il a déjà commencé à changer en fait. Non, à ce moment-là. Cassian. Pour le coup, c'est sûrement mon passage de personnage de Cassian que j'ai préféré quand il a tué Skin comme ça. Ah ouais, incroyable. J'ai trouvé ça vraiment... C'est con parce qu'il tue quelqu'un, mais j'ai trouvé ça vraiment pur. C'est horrible de dire ça. Mais parce que ça prouve qu'il a vraiment... Son cœur est déjà à la bonne place. Il est pas encore prêt, mais il a déjà sa morale qui est au bon endroit. Et c'est. Et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant parce que je m'y attendais pas du tout à ce qu'il le bute. Hein. Ouais, et il l'assassine. C'est un meurtre à ce niveau-là. De sang-froid comme ça. De sang-froid. Et c'est pareil, c'est la première fois qu'on le voit vraiment faire. Soit il se bat dans une lutte armée contre des ennemis qui lui tirent dessus. Soit au tout début, il bute les flics, mais c'est pas fait exprès. Exprès la première fois. Et là, c'est vraiment la première fois qu'on a un début de Cassian tel qu'il est dans Rogue One en fait. Ouais. Mais pour l'instant, il tue encore. Des connards. Oui, bien sûr. Mais... Et j'ai aimé aussi le twist. On voit tuer des gens qui. Parce que le dernier de l'équipe dont on apprend le passé, sans mensonge en tout cas, c'est le Stormtrooper aussi. On découvre que parmi les rebelles, il y a un ancien Stormtrooper. Et ça, j'ai trouvé ça assez cool aussi en soi. C'est un de ceux qui meurt. Et c'est un de ceux qui Il meurt parce que Skin le couvre pas comme il devrait. Ouais, c'est vrai. Et je comprenais pas. D'ailleurs, Tsuki, sur le moment, a dit, mais il a dit, couvre-moi! Et en fait, c'était fait exprès. Il faisait exprès de le laisser crever, en fait. En fait, ouais, il tire un coup, puis il se cache. Ou alors, c'est juste un lâche. J'ai même pas c'est vu possible ça. Aussi, hein. Ah, c'est horrible. Il tire une fois, puis il se recache juste après, et donc l'autre, en il se retrouve à découvert. En tout cas, c'est clairement fait exprès de le laisser. Et du coup, on apprend que c'est un Stormtrooper dont l'Empire a tué toute la famille. Non, attendez, je croyais que c'était à Cinta qu'ils avaient tué toute la famille. C'est ça. Ah bon, parce que ça s'enchaîne, les deux phrases s'enchaînent. En gros, il disait Cinta a eu du mal parce que les Stormtroopers ont tué toute sa famille. Ah putain, j'ai super mal compris en fait. Ok. Ah ok, ça a plus de sens en fait. Oui. Oui, c'est plus logique comme ça. Ah, en fait, elle était pas si mal la série. Attends, mais attends, c'est Cassian, c'était le gentil. Attends, Cassian, c'est le gentil en fait. C'est pas Skin le gentil. Attends, je comprends plus là. Mais attends, l'Empire, ils amènent pas la civilisation en fait. Pourquoi il y a des pistolets laser exactement? Juste pour. Ah oui, et d'ailleurs, on en a pas parlé. On en a parlé, mais vraiment le vol dans le. Dans l'œil là, c'était vraiment incroyable. Pour de la série, ça c'est un genre de séquence qu'on aurait normalement dans un film Star Wars. Vraiment, j'ai vraiment super content de ce qu'ils ont fait. Les TIE Fighters, ils étaient magnifiques aussi. Ouais, les reflets dans le cockpit. Ils étaient super. Ouais, c'est dans la vitre du cockpit, les reflets de l'œil et tout, c'est magnifique. Ouais. Et les bruits aussi. Je passe du coq à l'âne. Les bruits étaient cool aussi, genre les bruitages des tailles étaient un peu différents d'habitude, j'ai l'impression. Et ouais, bah ça dépend de l'équipe qui s'occupe de faire les trucs, ouais. C'est trop cool, genre encore une fois, tu sens que c'est dans Star Wars. J'ai essayé de le faire un peu plus grounded, encore plus menaçant. Ah ouais, bah c'est clairement, ça fait longtemps que... Parce que le problème quand un truc devient iconique, c'est que c'est pas forcément aussi menaçant que ça devrait l'être. Et là, ils ont vraiment réussi à les rendre de nouveau effrayants, quoi. C'est... Ah ouais, non, c'est terrifiant. Bah la scène, je crois que c'est dans le 5e épisode, où le Thaï frôle la rivière à côté de laquelle... Ah oui, juste pour faire le kéké, là. Mais c'est ça, Waouh. Puis les entendre arriver de loin et tout, c'est... J'aimerais juste rebondir, je sais plus qui sur le Discord a parlé, et comme je l'ai vu aussi passer sur Twitter et Reddit, il y a cette histoire de AK, là. C'est vrai qu'ils ont des AK-47 avec eux. Ça y ressemble beaucoup. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est vu dans la deuxième bande-annonce de Andor, je crois. On avait déjà ce plan... avec les AK-47, et en fait c'est pas des AK, enfin quand on compare les deux designs, c'est ils ont refait autre chose, c'est juste que ça y fait penser beaucoup, et je pense que c'est totalement volontaire parce que c'est vraiment l'arme des guérillas prolétariennes qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, parce qu'avec la chute de l'URSS, c'est une arme qui s'est retrouvée partout, en Afrique, en Asie, à Cuba, et je pense que du coup dans l'imaginaire collectif, c'est vraiment quelque chose qu'on associe aux guérillas, quoi, aux luttes qui ont pas de moyens, et c'est totalement le but, c'est de montrer que c'est une lutte qui a très peu de moyens. Après, je dis ça, mais Lucène, c'est un gros riche et il paye super cher ses mercenaires. Voilà, mais à côté de ça, je pense que c'est vraiment l'imaginaire qui est invoqué en faisant des designs d'armes qu'on connaît, en fait, ou qu'on reconnaît, en tout cas. C'est totalement volontaire. C'est pas juste ils ont pris une AK et ils ont fait ça serait un super pistolet laser. Et derrière, je pense vraiment que il y a un objectif et ça me paraît être celui-là. Même s'ils avaient vraiment pris des AK et que ils les avaient modifiés pour que ça puisse faire un peu Star Wars, il n'y aurait eu aucun problème avec ça. Hein. Oui, oui, mais d'ailleurs c'est déjà le cas des armes dans les premiers films. Hein. Oui. C'est souvent des armes qui ont été remodifiées par-dessus. Donc c'est un flingue nazi, hein, des plus connus. Hein. C'est ça, c'est dans l'ADN de Star Wars déjà de faire ça. Donc, mais en soi, je pense que là, on reconnaît vraiment le design et que c'est vraiment, c'est un but, quoi, et c'est un but intelligent. Et du coup, je voulais finir, du coup, en revenant sur le truc qui est le plus revenu dans l'épisode, mais juste mettre un petit point final là-dessus. Ika, tu te fous de la gueule du monde ou quoi? Je plaisante. Nemik, paix à son âme. Mais ce que je trouve vraiment touchant par rapport à lui, mais vraiment touchant pour dans la vraie vie, c'est que on parlait de représentation, mais vous savez ce qui n'a jamais de représentation. Attends, Ika, t'es hyper en retard ou oui. C'est Ika de tout le monde? Non, c'est Ika qui est en retard. Non, je l'ai fait exprès pour te couper dans ta phrase. C'est la pire. C'est que ce qui a très peu de représentation, c'est les vrais gauchistes, en fait. Même dans Star Wars, hein, quand tu regardes, si tu regardes que les trucs, les films et les séries, parce que dans les livres, ça va plus en profondeur, t'as plus d'idées de ce que veulent les personnages, mais d'habitude, la rébellion... Ouais, mais pour de vrai, c'est plutôt... ouais, c'est des rebelles, mais en vrai, ils veulent réétablir l'ordre qui... ce qu'il y avait avant la République. Ils se battent pour refaire la République, pas pour faire quelque chose de nouveau et de mieux. Et c'est la première fois qu'on a un personnage qui est montré positivement, mais vraiment positivement. Genre, tout le monde l'a adoré. Enfin, j'ai vu personne qui n'avait pas un avis ultra positif de lui. C'est la première fois qu'on a un vrai révolutionnaire avec des vrais discours de gauche. Parce que avant on a eu Rose qui disait ouais je veux frapper les riches, mais tu vois il y a rien derrière. Elle veut juste détruire les riches. Mais Némi qui il s'est vraiment posé des questions. Il a écrit un truc qui s'appelle Le Capital. mais en soi, oui, enfin, il a écrit un manifeste. Et rien que l'utilisation du mot manifeste, il est important parce que dans la politique moderne, les manifestes, ça a été en général écrit par les grands partis de gauche. Ouais. Et le plus connu, c'est sûrement le manifeste du Parti communiste. Quoi. Qu'une des plus grosses séries actuelles ose faire se positionner politiquement comme ça, parce que se moquer de l'alt-right, ça devient commun maintenant, tu vois, c'est presque admis que bon voilà, eux on peut se foutre de leur gueule, on a vu Hux, on a vu plein de trucs comme ça, mais là ça va plus loin, parce que avant c'était juste se moquer des méchants, mais c'était jamais en montrant l'alternative. Quelque chose d'autre peut exister, et voilà, je voulais en parler de ça. C'est au-delà du combat contre l'Empire, il y a une vraie idéologie dans la rébellion, que ce soit là-dedans ou dans la vraie vie. Ouais, c'est pas comme les centristes qui se moquent de l'extrême droite et qui derrière sont en mode « Oh ben non, on va pas changer les choses hein. ». Mais ils sont quand même aussi ceux qui se moquent de tu sais, moi je tape sur les deux côtés hein. Ouais. Non, pourquoi? Ezo mais Leia un peu hein. Bah c'est ce que je dis, c'est pour ça que je dis il est vraiment spécial. Oui. Faut dire, c'est d'autant plus rigolo que j'ai hâte de voir, parce qu'on sait qu'il sera dans un des six, au moins un, mais sûrement dans le prochain arc ou le dernier arc de la série. Mais il y aura Saw Gerrera, qui est un personnage très particulier, parce que jusqu'ici c'était le seul vrai révolutionnaire et tout le monde le traitait comme un terroriste. Alors que bah qu'est-ce qu'il fait ça, c'est... Mais il se bouge le cul, voilà. Ouais, c'est en même temps c'est le seul qui se bouge le cul. On en a parlé, genre Mantma, t'es bien sympa, mais là t'es dans ton Sénat vide. Qu'est-ce que tu branles? Bah, je pense que tu sers à rien. On en a pas parlé de ça, mais le Sénat vide, j'ai trouvé ça fort. Fort. Vraiment, bah ouais. Bah ouais, c'est exactement ça. Et tu t'y attendais, parce que c'est exactement ce qu'on avait dit. Elle sert à rien. Même sa fille lui dit. Tu sers à rien. Ça sert à rien ce mais que ouais, tu fais. Mais elle veut les combattre sur le terrain des idées. Mais moi je trouve ça hyper fort entre ça et Némik. T'as vraiment un truc hyper fort de c'est contre le système. Tu peux pas utiliser le système du pouvoir en place pour combattre le pouvoir en place, parce qu'il le contrôle de toute façon. Ah, c'est ça que j'aime bien dans la série, c'est que t'as vraiment. Alors, je dirais pas que c'est un personnage qui évolue mais c'est qu'on a vraiment chaque étape de l'entrée dans la rébellion. Mon mouvement, ouais. Elle est au début en mode... Ouais, je dirais même qu'elle est avant Cassian quand même dans son développement. Elle est vraiment en mode pipou, tu vois. C'est... non, mais je veux pas y aller trop fort parce que... Bah voilà, oui, non, parce qu'elle est au courant de l'opération, par exemple. Elle participe aux opérations, elle les finance en partie, on imagine. Est-ce qu'elle participe? Bah, elle est au courant, puisqu'elle elle va voir l'autre, là, pour en parler avec lui et tout. Pour mettre, ouais, mais elle est encore dans cette phase où elle a peur vraiment de... Et ça, elle a peur, mais elle a commencé à conspirer, par contre. Ça, on peut pas lui retirer. Oui, mais tu vois, elle devient utile quand elle arrête toute cette merde-là et que se concentre vraiment sur la rébellion. Ouais. Oui, bah c'est pour ça. Je pense à l'époque de Rogue One, elle a arrêté cette merde. Ouais. Je pense que c'est ce qu'on va voir après. Ça va être le. Bah déjà, je pense que la fin de l'épisode là, c'était vraiment le déclic où elle se dit putain là c'est bon, ça marche pas, j'arrête, faut faire autrement. Ouais, mais littéralement. Bah ouais, c'est ça. Mais justement, j'ai hâte de voir comment ils traitent Saw pour vraiment montrer la différence entre un terroriste et des rebelles. Parce que après, les rebelles, ils sont armés, ils font la guerre pour de vrai, tu vois. C'est pas la même chose que maintenant où ils font rien et puis ils disent il est un peu extrême. La différence, je pense, qu'ils vont montrer, c'est que je sais pas. Moi, ça me rappelle, je suis désolé, mais le meilleur truc qui monte à quel point, genre, c'est un peu bizarre le traitement de Saw, c'est dans Fallen Order, où tu te balades au milieu de cadavres de Stormtrooper, et où tu peux interagir avec un cadavre, et Cal, il dit genre, oh là là, Saw est passé par là, mais genre, et je crois qu'il utilise le mot ruthless, tu vois. En mode genre, ouais, et trop genre sanguinaire et tout. Genre, mec, tu les découpes par paquet de 10 avec ton sabre laser. Clair, c'est clair, genre à quel point Saw, il est dangereux, quoi. Genre, il fait la guerre, c'est tout, quoi. Enfin, je sais pas. Surtout que dans Fallen Order, il est dans la lutte avec Alors, c'est rigolo, mais là où on le voit vraiment être dangereux, c'est dans Bad Batch où il s'attaque à des civils. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Et c'est le seul moment jusqu'ici où on a vraiment vu là où il va pas bien. Dans Rogue One, il s'attaque à un convoi impérial, ouais, il s'attaque pas aux civils. En pleine ville, avec tous les civils autour et tout, et c'est pour ça d'ailleurs dans Rogue One, c'est des dégâts collatéraux. Oui, bah c'est des dégâts collatéraux. Mais c'est déjà chaud, quoi. Ah non, moi, Wars War. Moi, on pourrait faire plus, mais il pourrait aussi ne rien faire et les laisser. Il souffre de toute manière, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que à part dans le truc où il s'en prend directement vraiment aux civils, c'est qu'il y a toujours moyen de dire oui, mais tu vois, par rapport à tout ce qu'il fait, parce que à chaque fois il fait quelque chose contre l'Empire. C'est jamais vraiment autant ruthless que enfin, il fait rien de pire que Luke Skywalker qui détruit l'étoile de la mort. Bah, il y a des gens là-dedans, ils balayaient juste, tu vois. Enfin, tous les gens qui étaient dedans n'étaient pas. Vraiment, je le pense. Tu vois, hein. Ce que je veux dire, c'est que tu pourrais aller là-dedans parce que c'est de la fiction, donc c'est plus facile. Ouais. C'est pas comme dans la vraie vie. Si quelqu'un faisait ça dans la vraie vie et qu'il y avait des gens qui mouraient, des vrais gens, des civils qui mouraient, ce serait... Ouais. Oui, et puis c'est trois personnes dans cette rue, alors que l'Empire, deux heures plus tard, ils anéantissent toute la planète, donc... Ouais, c'est vrai, c'est bon. De toute façon, ils seraient morts, quoi qu'il arrive. Non, mais je vois tout à fait le point de vue et tout, mais n'empêche que ça explique qu'ils soient vus quand même comme... quelqu'un de plus extrême, quoi. Ouais, mais pas au point de dire terroriste, je veux dire... Après, c'est les méthodes... Ouais, bref. Oui. Mais je pense que là, on va vraiment le voir. Justement, c'est ce que je dis. Et là, j'ai hâte de voir comment ils le traitent par rapport à ce qu'on a déjà vu avec tous les personnages qui sont idéalistes et après avoir montré que le s'occuper du Sénat, ça sert à rien. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, du coup, sur cet épisode? Non, je crois j'ai que c'est beaucoup tout. Polémiqué sur, à la sur fin. Ces trois épisodes. Je me rappelais pas qu'on allait voir Saw, et du coup, je suis grave saucé. J'ai trop hâte. Oh, désolé. Tu es saucé? Vraiment. Je suis saucé. Oh, punaise, on a fait la même blague. Non, mais j'adore. Vraiment, je trouve que Saw, c'est un des potentiels gâchis de Star Wars qu'on voit pas assez. Et peut-être que je devrais le retirer, toute cette partie-là, ça spoil peut-être, en fait. Ah, peut-être, ouais, merde, j'avoue. Mais je veux dire, il est sur les posters et dans tous les trailers. C'est bon, ils vont pas nous faire chier, ouais, c'est bon. Bon, vas-y, je couperai pas. Et je vais pas couper ça non plus. Comme ça, les gens, ils sauront que j'en ai rien à foutre de leur cas. Voilà, on vous déteste. Faire voir. C'est moi, Dieu. Et mettez des masques, bande de connards. Ouais, voilà. Soyez gauchistes et du coup, mettez des masques. Et faites écrivez des manifestes. Un dernier petit mot avant de partir, les petits doudous. Adrien ? Non, Adrien a déjà dit ouais, mettez des masques. Ouais, c'est bon. Ika ? Remettez sa barbe à Diego Luna, s'il vous plaît. Ok, Maddy. Plus de queer. Prenez soin de vous. Mettez un masque parce que la pandémie n'est pas finie. Loin de là. Oui, elle n'est pas finie. Maddy en est la preuve actuelle dans l'équipe. Mais sinon, gros bisous et on se retrouve dans 3 semaines pour parler du 3e arc de Andor dans l'émission Andor et de Platine. Salut! Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millenial. N'oubliez pas de suivre ce podcast sur Twitter, Facebook, ainsi que sur vos plateformes de podcasting préférées. Bisous. Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. Oh putain, mais ta gueule. Bonsoir. Oh putain de merde.